الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام سنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى رسالة جديدة مفيدة للإمام العلامة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Nous allons aujourd'hui commencer, inshallah ta'ala, un nouvel épître profitable de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. Il a appelé cet épître « Ar-risalatul mufidatul muhimma al-jalila ». La lettre ou l'épître profitable, important et grandiose. ولا شك أيها الإخوة أن هذه الرسالة مهمة ومفيدة وجليلة. Il n'y a nul doute sur le fait que cette épître soit important, profitable et grandiose. إذ أنها متعلقة بأهم الموضوعات وأنفعها للناس. Car cette épître est liée au sujet le plus important et celui qui est le plus profitable aux gens. Ma'rifatu ahabbil umuri ila Allah ta'ala wa abghadha ilayhi. Le fait de connaître ce que Allah aime le plus et le fait de connaître ce qu'il déteste le plus. Et ce que Allah tabaraka wa ta'ala aime le plus, le tawhid, et ce qu'il déteste le plus, al-shirk. Voilà le sujet de cette épître très profitable qu'on va commencer ce soir, incha'Allah ta'ala. Et donc l'auteur Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, après la basmala, il nous dit Alhamdulillahi wa kafa. وسلام على عباده الذين اصطفى. Toutes les louanges reviennent à Allah et il suffit. Et que le salut soit accordé à ses serviteurs qu'il a élus. Et donc toutes les louanges reviennent à Allah et il suffit. يعني أن الله تبارك وتعالى كافٍ عبده كما قال الإمام ابن العثيمين رحمه الله. Ce qui est voulu ici, Allah suffit, c'est-à-dire Allah suffit à son serviteur dans tous ses sujets. Toute sa vie, Allah tabaraka wa ta'ala, durant toute ta vie, Allah te suffit. Tu te passes de tous, Allah il te suffit. Comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit dans son livre, Alaysa Allahu bikafin 'abda. N'est-ce pas que Allah suffit à son serviteur? Et il dit tabaraka wa ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Celui qui place sa confiance en Allah, alors Allah lui suffit. Idhan 'alayna ayyuha al-ikhwa an na'taqid hadha al-i'tiqad al-wajib. Donc nous devons avoir cette croyance qui est obligatoire. Le fait que Allah tabaraka wa ta'ala suffise à son serviteur. وَإِن كُنْتَ تَعْتَقِدُ أَنَّ اللَّهَ كَافِيكَ إِذَن هَلْ سَتَعْبُدُ غَيْرَهُ. Si tu as la croyance que Allah te suffit, est-ce que tu vas adorer autre que lui? لَا شَكَّ أَنَّ الْجَوَابَ لَا. Nul doute que la réponse est non, tu ne vas pas adorer autre qu'Allah, puisque c'est lui qui te suffit. Et ensuite, l'auteur qui nous dit « Wa salam ala ibadihi alladhina astafa » et que le salut soit accordé à ses serviteurs qu'il a choisi, qu'il a élu. Et cela est en accord avec la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. « Kulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Allahu khayrun amma yushrikun. » Dit « Alhamdulillah » et le salut et que le salut soit accordé à ses serviteurs, ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a élus. Est-ce que Allah est mieux ou alors ceux qu'ils prennent pour divinité, pour associer? وهؤلاء الذين استفاهم الله تبارك وتعالى هم الرسل. Et ceux que Allah tabaraka wa ta'ala a choisis, ce sont les messagers, parmi les anges et parmi les hommes, les messagers. Comme Allah tabaraka wa ta'ala, il dit wa salamun 'ala al-mursalin. Et que le salut soit sur les envoyés. Et il dit aussi tabaraka wa ta'ala, et donc aussi parmi ces personnes que Allah tabaraka wa ta'ala a élu, a choisi, il y a aussi atba'ur rusul, les suiveurs des messagers. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre wassalamu ala man ittaba' al-huda, et que le salut soit accordé à ceux qui suivent la guidée. Fa fi hadhihi al-muqaddima yushir al-mu'allif rahimahullah ila tawhid Allah tabaraka wa ta'ala wa ittiba' ar-rusul. Ici, dans cette introduction, l'auteur, il nous fait allusion au tawhid, le fait d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala et de suivre les messagers. Wa hadha huwa asluddin. Et ça, c'est la base de la religion. C'est la base de la religion. Le fait d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala et de suivre les messagers. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah, amma ba'd. Fa'lam arshadaka Allah ta'ala. أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Sache qu'Allah t'accorde la guidée et qu'Allah t'oriente vers le bien, vers tout ce qui t'est profitable. Que Allah a créé les créatures afin qu'il l'adore et qu'il ne lui accorde aucun associé. Allah le Très-Haut qui dit wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Kama qulna ayyuha al-ikhwa hadha min rahmatillah. Comme on a dit lors du cours précédent, jeudi dernier, on a dit ça fait partie de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait qu'il ait fait du sujet le plus simple la base de la religion. Le sujet le plus simple, le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul. Est-ce que c'est compliqué lorsqu'on lit wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun? C'est pas compliqué. On n'est pas entré dans une divergence dans non. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est pas difficile à comprendre et c'est ça la base de la religion. Et donc Allah par miséricorde, il a fait que la base de la religion soit quelque chose de très simple. Un sujet très simple et très facile à comprendre. ثم يبين المؤلف رحمه الله ما هو المراد بالعبادة. Et ensuite l'auteur il nous montre ce qui est voulu par l'adoration, parce que malgré le fait que ce sujet soit facile, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, malgré cela certains ne l'ont pas compris correctement. Et donc l'auteur, il nous montre ce qui est voulu par l'adoration ici dans ce verset. Il nous dit wal ibadatu hiya at-tawhid. Et l'adoration, c'est le tawhid, le fait d'unifier Allah. Wa huwa ifradullah bima yahtassu bihi. Donc lorsque l'auteur il nous dit c'est le tawhid, qu'est-ce que le tawhid? Si on vous demande c'est quoi le tawhid, vous nous parlez tawhid, tawhid, tawhid, tawhid. C'est quoi le tawhid? Le tawhid, c'est le fait an ta'taqida ifrad Allah tabaraka wa ta'ala bima yakhtassu bihi. C'est le fait que par ta croyance, tu unifies Allah tabaraka wa ta'ala dans ce qui lui est propre. C'est-à-dire que par ta croyance, tu n'accordes pas à autrui ce qui est propre à Allah tabaraka wa ta'ala. Ifradullah bima yahtassu bihi. Le fait d'accorder à Allah particulièrement ce qui lui est propre. La définition du tawhid. Ensuite, l'auteur il nous explique pourquoi c'est ce qui est voulu ici par l'ibada. Il nous dit لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه. Car les conflits qu'il y a eu entre les prophètes et leur communauté sont dans ce sujet, le sujet du tawhid. Les communautés, les prophètes, lorsqu'ils sont arrivés et qu'ils ont dit à leur peuple adorez Allah, mais leur peuple, ils adoraient déjà Allah. Ils adoraient Allah et adoraient d'autres divinités. Mais ce qui est voulu par adorer Allah, c'est adorer Allah seul. Voilà ce qui est voulu. Le fait d'accorder à Allah de manière spécifique ce qui lui est propre. Et donc c'est pour ça que ce qui est voulu par le mot ibada ici, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ce qui est voulu ici par que pour qu'ils m'adorent, c'est que pour qu'ils m'unifient dans l'adoration, que pour qu'ils m'adorent moi seul. Allah tabarak, l'auteur qui nous dit kama qala Allah ta'ala, comme Allah ta'ala l'a dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Certes, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager qui leur ordonnait, qui les appelait à adorer Allah et à délaisser le taghout. Et donc, adorer Allah, c'est quelque chose. Délaisser le taghout, c'est autre chose. Il faut absolument les deux. Celui qui adore Allah et qui adore autre qu'Allah avec, cela ne suffit pas. Il est toujours dans le polythéisme. Même s'il adore Allah. Mais le fait qu'il adore d'autres divinités en dehors de cela, il est encore dans le polythéisme. Il est impératif qu'il n'adore que Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il délaisse le tarout. Être tarout, qu'est-ce que être tarout? Et donc on a vu la définition du tawhid. Attention, chaque cours, en début de chaque cours, je vais vous interroger. Parce que là, on est en train de faire des révisions. Aujourd'hui, je ne vais pas interroger. Mais la semaine prochaine, bi'idnillah, je vais vous interroger sur la définition du tawhid. Sur qu'est-ce qui est voulu par liya'budun, pour qu'il m'adore, dans le verset. La définition du tarout. Qu'est-ce que être tarout? Être tarout. Tout ce qui fait que le serviteur va dépasser sa limite. Que ça soit une divinité. Cette divinité, cette fausse divinité, va être la cause que cette personne dépasse sa limite. Quelle est sa limite? La personne ne devait adorer que Allah tabaraka wa ta'ala. En adorant une autre divinité, elle a dépassé sa limite. Et donc cette divinité, cette fausse divinité est un tarout. On a El-Medbour. El-Medbour, c'est celui qui est suivi. Un imam, un cheikh qui va légiférer le zina, qui va légiférer l'alcool, etc., etc. Et que les gens vont le suivre. Ils vont dire, on sait que Allah il a dit que l'alcool c'est haram, mais cheikh un tel il a dit que c'est halal. Alors c'est halal. Et donc ici, ça aussi, c'est un tarout. Il a fait que les gens ont dépassé leurs limites. On a aussi le tarout El-Moutar, celui qui est obéi. Même chose, c'est le même principe que El-Medbour, celui qui est suivi. Et donc, El-Tarout, tout ce qui fait, tout ce qui va faire que le serviteur va dépasser sa limite, que ce soit une divinité, une personne qui est obéie ou une personne qui est suivie. Et donc, dans l'adoration, tu dois adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul. Wa fi hadha al-kalam ayyuha al-ikhwa, al-ishara ila anna al-ibada in lam yakun fiha tawhid fa laysat ibadatan. Il y a aussi dans cette parole le fait que l'adoration, si l'acte d'adoration ne contient pas de tawhid, le fait d'adorer Allah seul, alors ce n'est pas un acte d'adoration. Ce qui est voulu par là, lorsqu'on dit ce n'est pas un acte d'adoration, ça veut dire ce n'est pas un acte d'adoration correct, c'est accepté. Allah qui nous dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Si tu n'as pas adoré Allah tabaraka wa ta'ala seul, tu ne l'as pas adoré correctement. Parce que ce qui est voulu ici, c'est pas que pour qu'il m'adore seul. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il continue cette introduction et il nous dit وَأَمَّا التَّوْحِيدِ فَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ. Il nous dit le tawhid, le monothéisme pur, alors il se divise en trois types. Tawhid al-Rububiyya, donc l'unicité dans la seigneurie. Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité dans la divinisation. Wa tawhid al-Asma'i wa sifat, et l'unicité dans les noms et attributs. Et la question que nous nous posons après avoir vu cette parole de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, le tawhid se divise en trois. Mais où est dalil ou hada taqsim? Quelle est la preuve de cette parole? Le fait de dire que le tawhid se divise en trois. Pourquoi on ne peut pas dire qu'il se divise en quatre, en cinq, en six, en sept, en huit, en quinze? Quelle est la preuve? Et-tatabbu'u wal-istikra. Une lecture approfondie et détaillée des textes. À chaque fois, les savants, en lisant les preuves du Coran et de la Sunna, ils revoient et ils constatent que les ordres dans la législation reviennent à chaque fois à ces trois points-là. L'unicité dans l'adoration, l'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans les noms et attributs. À chaque fois, ça revient à ces trois points-là. Et donc, si on vous demande quelle est la preuve du fait que le tawhid, l'unicité, se divise en trois types, la preuve, c'est la lecture approfondie et détaillée des textes. La lecture approfondie et détailler des textes. Tayyib, minan nasi man yunkiru hada at-taqsim wa yunkiru lafzat at-tawhid. Il y a parmi les gens ceux qui rejettent cela, le fait de dire que le tawhid se divise en trois. Et on verra, bi'idnillah, tout au long des cours, on verra les preuves de cela. À chaque fois qu'on va aborder tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma wa sifat, l'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans l'adoration et l'unicité dans les noms et attributs, à chaque fois qu'on verra une forme d'unicité, on verra les preuves liées à cela. Et donc, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Mais il y a des gens qui rejettent le mot tawhid. Vous nous fatiguez avec tawhid, franchement, à chaque fois, tawhid, tawhid, et vous avez pris ça où? Ils nous disent, premièrement, Allah tabaraka wa ta'ala wahid. Il nous dit, tabaraka wa ta'ala, qul huwa Allahu ahad, dit il est Allah l'unique. Idan Allah la yahtaj an wahidahu. Allah n'a pas besoin qu'on l'unifie, il est déjà unique. At-tawhid, c'est un terme que tu vas utiliser pour plusieurs choses qui sont dispersées. Comme on va dire par exemple, on a ces clés là que j'ai entre mes mains. Je prends une clé, je la mets là, une clé, je la mets là, une autre, je la mets là, une autre, etc. Tu vas me dire, Ya Abdelkarim, wahid al-mafatih. Oh Abdelkarim, unifie les clés, rassemble-les. Je vais rassembler toutes les clés. Voilà, j'ai toutes les clés. Ils vont te dire, Allah, tabaraka wa ta'ala, il est déjà unique. Pourquoi vous nous parlez d'unifier Allah? Inch'Allah, la semaine prochaine, on va poser cette question, bi'idhnillah. Quelle est la réponse à cette question? Donc, on a déjà vu la définition du tawhid. On a déjà vu donc la preuve concernant taqsim ou tawhid. On a vu la définition du tarout. Et maintenant, on voit donc concernant le mot tawhid. Pourquoi est-ce qu'on utilise le mot tawhid concernant Allah alors qu'il est déjà unique? La réponse, elle est simple. Alayna an nufarriqa bayna at-tawhid lughatan wa at-tawhid shar'an. Nous devons faire la différence entre le mot tawhid, l'unification dans la langue arabe, et l'unification dans l'adoration, dans la législation. L'unification dans la langue arabe, comme j'ai cité l'exemple avec les clés. Rassembler, unir ce qui est dispersé. Hein? Quand des gens sont divisés, on va dire Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yuwahida qulubakum. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'unifier vos cœurs. Voyez? Et donc là, c'est le mot tawhid dans la langue arabe. Mais maintenant, dans la législation, le mot tawhid a un autre sens. Dans la législation, le mot tawhid a un autre sens. Quel est le sens? On l'a déjà vu précédemment. C'est la définition du mot tawhid. On a vu la définition du tawhid dans le shara. C'est quoi tawhid dans le shara? Ifradullah bima yahtassu bihi. Le fait d'accorder à Allah de manière spécifique ce qui lui est propre. Ce qui lui revient de droit. Le fait que tu aies la croyance, que dans ta croyance, tu accordes à Allah tabaraka wa ta'ala ce qui lui est propre. Tu lui accordes cela de manière spécifique. Ça veut dire qu'à lui et pas à d'autres. Et donc là, on ne va pas venir nous dire Allah il est déjà unique, on n'a pas besoin de l'unifier. On va dire, ya akhi, apprends ta religion et taqillah. Ce qui est voulu par unifier Allah, ça ne veut pas dire que Allah il est dispersé et on le rassemble. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que nous, dans notre croyance, on accorde à Allah seul, de manière spécifique, ce qui lui est propre. On ne l'accorde pas à d'autres. Ça veut dire que tu vas te prosterner que Allah. Tu vas invoquer que Allah. Etc, etc, etc. Toyib. Waqalu lam yaridi tawhidu fi nusus al-shara. Antum tut'ibuna bi hadhihi al-kalima. Wa hiya laysat mawjuda fi al-Qur'an aslan. Laysat mawjuda fi nusus al-shara. Ils te disent, vous nous fatiguez avec cette parole, tawhid, tawhid, jusqu'à ce que maintenant, il y en a, ils font des mosquées avec le nom masjid tawhid, etc. À chaque fois, vous nous parlez tawhid, tawhid, alors que ce mot n'existe pas dans les textes de la législation. On ne voit pas le mot dans le Coran, on ne voit pas ce mot dans la sunna. À ce moment-là, on va dire à ces gens-là, lorsque tu ne connais pas ta religion, il vaut mieux te taire avant de parler. Il vaut mieux te taire avant de parler. Dans Sahih al-Bukhari, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il dit dans son Sahih, « Babu ma ja'a fi du'a'i nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ummatahu » ila tawhid Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous dit l'imam al-Bukhari rahimahullah, le chapitre concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait appelé sa communauté à unifier Allah tabaraka wa ta'ala. Tawhid, il a utilisé le mot tawhid, l'imam al-Bukhari, le meilleur livre après le livre d'Allah. Et donc, ce n'est pas l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, qui a inventé le mot tawhid. Il ne l'a pas inventé, l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab. Ce n'est pas du wahhabisme de dire tawhid. Il continue, l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Elle nous cite la chaîne de transmission qui monte jusqu'à Ibn Abbas. Qui dit, لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. Ibn Abbas qui nous dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal vers les gens du Yémen, et donc il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh, certes, tu vas voir des gens du livre, un peuple qui font partie des gens du livre, les juifs et les chrétiens, donc prépare-toi. Leurs ambiguïtés, elles concernent tel et tel sujet. Alors prépare-toi. Donc la première chose à laquelle tu dois les appeler, ila an yuwahidullah. Le fait qu'ils unifient Allah. Le tawhid. On est dans Sahih al-Bukhari, rahimahullah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ô chers frères, ce n'est pas du wahhabisme de dire tawhid. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il n'est pas venu avec quelque chose de nouveau lorsqu'il nous a dit cela. Mais c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi musnad al-imam Ahmed. Le musnad de l'imam Ahmed, rahimahullah. Ça, c'est un rappel pour nos frères, hein? Nos frères qui vont partir au Hajj bientôt. Mashallah. Bientôt, on a nos frères qui vont se préparer, qui vont partir au Hajj. Tayyib, yahi, lorsque tu vas commencer ton Hajj, tu vas faire quoi? Tu vas commencer ton Hajj. Mashallah, tu vas commencer. Tu vas aller au Miqat. Et après, tu vas te mettre en état d'ihram. Et ensuite, tu commences avec la talbiya. La talbiya, la talbiya. C'est quoi la talbiya? On va regarder ce que nous dit Jabir radiallahu anhu. Concernant cette parole, la talbiya, que les musulmans récitent tant pendant le Hajj, mais aussi pendant la Umrah. Labbayk Allahumma labbayk. Labbayk la sharika lak labbayk. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Toi, tu dis que le mot tawhid, nous on l'a inventé. T'as déjà fait la Umrah. T'as déjà fait le Hajj. On va voir bi'idhnillah ta'ala. Qu'est-ce que nous dit Jabir, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant le Hajj du prophète? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur sa monture, après avoir passé le miqat, il nous dit, Jabir radiallahu anhu, il nous dit, hatta idha stawat bihi naqatuhu ala al-bayda, ahalla bit-tawhid. Ahalla bit-tawhid. Ça veut dire quoi, ahalla bit-tawhid? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prononcé la talbiya. Et Jabir, il a appelé la talbiya, il l'a appelé tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé la talbiya. Jabir, la talbiya, il l'a appelé tawhid. Et ensuite, il a cité la talbiya pour qu'il n'y ait aucun doute. Il a cité labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk, ainsi de suite. Et donc, barakallahu fikum, il ne faut pas tomber dans ce piège. Ces gens qui veulent nous faire rejeter la base de notre religion. Et cet élément qui est si simple, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et ici, on a fini l'introduction du livre. L'introduction du livre. Et ensuite, la première partie du livre, l'auteur qui nous dit Babu anwa'i tawhid. Le chapitre concernant les formes de tawhid, les différentes formes de tawhid. Et à chaque fois, on va détailler chaque forme de tawhid l'une après l'autre. Et on va ramener les arguments concernant chaque forme de tawhid bi'idhnillahi ta'ala. Et donc nous, on va en rester là pour aujourd'hui, pour ne pas trop nous charger. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, bi'idhnillah, avant de commencer le cours, on va faire une petite révision rapide où c'est vous qui allez répondre aux questions. Bi'idhnillahi ta'ala, les différentes questions concernant la définition du tawhid, la définition du tarot, la preuve de taqsim ou tawhid, donc le fait que le tawhid soit en trois groupes, les trois groupes de tawhid, quels sont les trois groupes de tawhid? Qu'est-ce qu'on a vu encore? Le mot tawhid dans les textes de la législation. Pourquoi unifier Allah alors que Allah est déjà unique? Tout ça, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui.